bénéfice pour l'instant. Qu'avec environ 115 d'entre vous sur Cléo. Or, officiellement, vous êtes plus de 200. Donc, ceux qui ne sont pas encore connectés, je vous invite à le faire parce qu'il va commencer à y avoir de la communication, des transferts de documents, de parties de syllabus. Donc, c'est un lieu pour vous que vous soyez connectés. D'accord ? Qui n'est pas connecté encore ici dans la salle ? C'est un problème de... Vous n'avez pas encore reçu vos codes ou pas encore rentré le document? Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe dans le... Ça ne fonctionne pas. Vous avez déjà essayé de vous identifier une fois d'ici pour voir si... On n'a pas le wifi. D'accord. Bon. Je ferai une intervention pour demander que ce soit peut-être un peu plus transparent sur vous, mais renvoyez les messages pour qu'au niveau informatique il bouge si ça pose problème. Ça va ? Bien, vous rappelez, s'il vous plaît. Je préférais parler entre vous, alors je vous laisse. Moi j'ai d'autres boulots aussi, ça peut s'arranger. Vous rappelez, la semaine dernière, on avait vu la boussole de l'entreprise, autrement dit, toutes les questions que vous avez, nous avons à vous poser avant de construire une stratégie de communication interne. On avait terminé sur tout ce qui était caractéristique des publics. On avait vu aussi, de façon relativement approfondie, la question de l'identité, plateforme identitaire, plateforme de marque, donc définir la raison d'être, la vision, mission, valeur d'une entreprise ou d'une organisation, et on avait vu un exemple d'une petite ASBL. Je vous avais promis d'autres exemples, donc on va en voir un aujourd'hui pour commencer, qui est relativement intéressant parce que non seulement il provient d'une organisation assez importante, mais il a été globalement bien fait dans la démarche et dans le produit attendu. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est encore inconnu du grand public, puisque l'organisation en question l'a communiqué à son personnel il y a une dizaine de jours. Et pour l'instant, ça reste à un niveau de communication interne pour faire vivre ça à l'intérieur, avant de le communiquer vers le grand public. Ce n'est pas secret, juste ils ne sont pas encore dans la phase de communication externe vis-à-vis de ça. Il s'agit du plan stratégique et donc de la redéfinition de l'identité de la Croix-Rouge de Belgique. Quand on vous dit Croix-Rouge, vous pensez à quoi ? Don de sang ? Quoi d'autre ? Parlez un peu plus fort. Il peut y avoir des collègues de vêtements. Ou encore ? Accueil pour les demandeurs d'asile, intervention locale en appui à la protection civile, aux pompiers avec des ambulances et compagnie, intervention en cas de catastrophe, intervention sur des conflits, etc., etc. Donc la Croix-Rouge, c'est une organisation qui est relativement complexe de par l'ensemble de son champ d'activité. Vous avez aussi, par exemple, un département de formation super important et étendu. Ben pourquoi ? Parce que peut-être certains parmi vous ont le brevet BEPS ou autre qu'ils ont suivi à la Croix-Rouge. Ben ça fait partie de toutes les formations qui sont organisées à la fois pour le grand public et pour les membres et volontaires. Quand on parle Croix-Rouge de Belgique, ici aujourd'hui, on est dans la partie francophone. Ils s'entendent très bien avec leurs collègues du nord du pays, ils ne parlent juste pas la même langue. Donc ce sont deux entités séparées mais qui collaborent. Croix-Rouge de Belgique, pour vous, ça fait combien de personnes, puisqu'on parle du territoire francophone et bruxellois, à votre avis ? ?1200 salariés plus 15 000 volontaires. Ça, c'est pour vous donner un peu le contexte et que vous ayez une idée quand je vais vous présenter les documents de la démarche qui a été faite pour redéfinir leur identité et leur plan stratégique. D'accord ? Donc, c'est déjà une organisation qui est très importante en termes de gestion, au niveau de tout ce qu'on va brasser aussi comme moyens financiers ou autres, et avec une complexité de gestion qui est aussi de devoir gérer à la fois des membres du personnel et des volontaires. Et les documents que je vais vous présenter dans quelques minutes ont été faits avec des représentants de l'ensemble de ces catégories de personnel. D'accord ? Alors, je m'excuse un peu de la qualité des documents que vous allez voir, parce que comme ça n'est pas encore édité à l'extérieur, j'ai juste pu faire un scan d'un document papier. Ce n'est pas encore de version vraiment électronique, donc on zoomera de temps en temps à l'intérieur. Je ne peux pas vraiment, je ne peux pas représenter. lequel je n'ai pas besoin d'écran et d'illustration. Ça concerne votre fonctionnement en communication interne quand vous êtes dans une organisation. Vous avez déjà compris qu'on a pas mal d'informations à aller chercher à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et pour ça, vous n'allez pas savoir faire beaucoup d'autre chose que de vous construire un réseau, à l'intérieur et à l'extérieur. Alors d'après vous, comment on construit un réseau? Comment on se construit un réseau? Comment vous faites pour augmenter rapidement, considérablement, votre carnet d'adresses de façon efficace? Le bouche à oreille peut en faire partie, oui. Quoi d'autre? Participer à des événements. Quoi encore? Ah, vous pouvez aussi travailler avec des personnes qui elles-mêmes ont des carnets d'adresses et vont vous en présenter d'autres. Donc, tout ça sont des façons que vous allez mettre en place pour construire ce réseau. Et surtout, retenez bien ça, parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on se construit un réseau à travers LinkedIn et Facebook. Rien n'est moins vrai que ça, si vous voulez que ce soit efficace, en tout cas dans les métiers de communication interne. Vous ne pourrez pas passer à côté du contact humain. Ça veut dire que si vous faites de la com interne, pour construire un réseau, vous ne pouvez pas rester dans votre bureau. Vous devez circuler dans l'entreprise, voir régulièrement des personnes différentes, aller déjeuner une à deux fois par semaine avec des personnes que vous ne connaissez pas, même si vous avez envie d'aller déjeuner avec votre pote parce que c'est plus sympa, faites autre chose. Parce que c'est comme ça que vous allez non seulement pouvoir entendre ce qui se passe et ce qui se vit. N'oubliez pas que la communication interne, c'est dire le vécu de l'entreprise. Et que donc, vous allez pouvoir réagir, vous, dans votre métier, si vous entendez des choses qui sont en décalage. Je vous donnais un exemple. Après, si je vous l'ai déjà dit, vous m'arrêtez, parce que comme je suis avec le même programme dans plusieurs groupes différents, parfois, je m'en mêle les pinceaux. Il y a quelques années, dans une grande entreprise où je travaillais, il y a un projet d'innovation qui a été lancé. À travers toute l'entreprise, ça concernait 10 000 personnes. Donc, il y a du travail, d'abord de préparation, qui se fait avec quelques personnes qui pensent à ce projet d'innovation. Et ensuite, il faut le démarrer, le communiquer au personnel. Et pour ça, on commence par faire une grande réunion avec les cadres, et puis des réunions de cascade qui vont expliquer quel est le projet. Comme dans beaucoup d'entreprises, alors vous ne le savez peut-être pas encore, mais dans les entreprises, dans les hautes écoles, universités aussi, on aime bien créer des noms de projets. Des noms qui ne veulent pas dire grand-chose pour les personnes qui sont à l'extérieur. D'accord? Et ce projet dans cette entreprise s'appelait Go for it. Autrement dit, en anglais, on y va, on avance. L'idée était d'aller vers l'innovation dans les différents produits et services que proposait cette entreprise. Donc ça, c'est le beau, grand, joli titre du projet. On commence à communiquer ça au personnel. Et puis une semaine après le lancement, moi, je vais déjeuner à la cantine du personnel. Mes collègues n'étaient pas là, donc je m'assieds à une table où il y avait d'autres collègues du département informatique que je ne connaissais pas, mais bon, je m'assieds avec eux et on déjeune ensemble et on commence à discuter. Et puis j'entends un de ses collègues de l'informatique qui dit « C'est quand même génial qu'on ait enfin un président qui ait compris l'importance de notre métier et qui ait lancé ce projet Go for IT. » Vous voyez le décalage sur un simple mot, les malentendus que ça peut causer si vous ne percevez pas ça et si vous ne savez pas le corriger derrière. Ça va? Donc l'importance pour vous de vous créer un réseau, c'est d'être à l'écoute. N'oubliez pas qu'en communication interne, vous êtes l'interface entre la direction et le personnel. Vous n'êtes pas plus au service de l'un ou de l'autre, vous êtes là vraiment pour prendre la température, dire ce qui se vit et puis soutenir les projets pour essayer d'atteindre les objectifs et de varier un peu les... faire évoluer ses objectifs en fonction de ce qui a été décidé. Ça va? Donc ce réseau, c'est hyper important. C'est du réseau, j'imagine que vous l'avez bien compris, qui est qualitatif, d'accord? C'est pas quantitatif. Qualitatif et aussi varié. C'est pas parce que vous faites de la communication interne et que, en termes d'organigramme, vous êtes proche de la direction, qu'il ne doit pas y avoir dans votre réseau les représentants syndicaux. Parce que c'est une voie parmi d'autres de l'entreprise. Et donc pour vous, c'est intéressant d'être aussi à l'écoute de ce qu'ils disent, des questions qu'ils posent. Même chose pour le département formation, par exemple. Vous allez me dire, qu'est-ce que la formation a à voir avec la communication interne ? Parmi vous aurait déjà suivi des formations en entreprise, dans le cadre d'une entreprise, d'une organisation quelconque? Non? Alors je vais vous apprendre quelque chose. Quand on organise des formations dans une entreprise, l'effet que ça a pour les personnes qui suivent ça, c'est je m'arrête pendant un ou deux jours, j'arrête mon job et je vais en formation. Donc, c'est comme une bulle d'air ou une bulle d'oxygène pour la personne qui sort de son contexte. Contexte qui, je ne vous l'apprends pas, est le plus souvent sous pression aujourd'hui, puisqu'on demande toujours à tout le monde de faire mieux, plus vite, avec moins d'argent. Et donc, ce qui se passe en formation, c'est un phénomène qui est assez bien connu des formateurs, quand on va dans une entreprise pour des formations spécifiques, c'est que la première demi-heure, c'est la soupape. C'est là où toutes ces personnes... Je t'envoie Sébastien. Attendez que je me remette. Donc c'est le moment où toutes ces personnes qui sont en formation lâchent prise et commence par d'abord dire tout ce qui ne va pas, ou se plaindre, ou bien dire, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande encore de suivre votre formation, alors que de toute façon, ça ne fonctionne quand même pas sur le terrain, ou que ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on devrait changer, etc. etc. Alors cette soupape, le curseur va varier, évidemment, en fonction de la situation de l'entreprise. Est-ce que on est dans un environnement, dans un cadre qui est plutôt positif ou plutôt négatif, une entreprise qui se porte bien, qui vient d'être restructurée ou qui est en cours de restructuration? Et donc, ça veut dire que ces formateurs qui absorbent ça, qui doivent aussi le canaliser, pourquoi faire formation autour de cacahuètes, c'est pour vous un réseau de prise de température important. Donc mettez ces gens aussi dans votre réseau, des formateurs de l'entreprise ou externes, si on travaille avec des formateurs externes. Non pas pour leur demander de faire de la délation, hein. Ça doit rester aussi dans un cadre déontologique correct, mais pour que vous ayez cette possibilité de prendre la température et de pouvoir éventuellement réagir et dire à votre direction, tiens, ben, pour l'instant, on entend beaucoup de questions qui se posent sur tel projet parce que c'est pas clair. Ce serait peut-être important ou intéressant de clarifier les choses. Voilà. Lui, il va nous dépanner. Juste un peu précis pour les aider. Bien, donc ça c'est sur la construction du réseau. Après, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter sans support? C'est pas que je peux pas vous dire des choses sans support, mais je sais rien vous montrer. C'est embêtant. Mais quand on est moins nombreux, avant je n'ai Maintenant, ça n'existe plus. De la Croix-Rouge de Belgique. Je vous dis, ce sont des scans d'un document papier qui a été distribué à l'ensemble du personnel, puisqu'ils viennent de le mettre en place. Donc vous voyez là le résultat d'un processus que vous pouviez quand même de mener aussi à l'intérieur d'une organisation. Je vous l'ai fait le scan quasi complet. Qu'est-ce qu'on voit ? Pas forcément regarder le paragraphe à gauche, mais vous voyez que dans le document, ils présentent d'abord la démarche. Pourquoi est-ce qu'ils vont présenter la démarche du travail ? Ben, comme on est en commun interne, c'est pour donner du sens à l'action qui se met en place. Et vous voyez ici qu'ils ont été pointés tous les éléments qui ont été mis en place pour faire ce travail. On a fait des sondages en ligne. On a animé des conférences avec des experts extérieurs. On a fait des tables rondes avec différents acteurs du terrain. Rappelez-vous ce que je vous disais, quand on construit, quand on fait ce genre de travail, il faut le faire à partir du terrain et pas uniquement au niveau d'une direction. Ils ont été consultés des partenaires, des clients externes. C'est passé par l'évaluation des stratégies précédentes. Puis, vous voyez, formulation collective d'un projet. Donc, à nouveau, ce n'est pas une personne ou deux toutes seules qui se cachent derrière un bureau pour formuler la nouvelle stratégie. Non, on intègre les avis qui viennent des différentes parties pour essayer de construire quelque chose qui non seulement a du sens, mais qui va être beaucoup plus facilement accepté par l'ensemble des membres du personnel si ça a été construit collectivement. Retenez que ça, c'est une force quand même essentielle. Et puis, vous voyez la suite de ce qu'ils ont fait jusqu'à validation par leur assemblée. Alors, après ça, toujours pour donner du sens, vous voyez une mise en contexte pour expliquer pourquoi la Croix-Rouge a besoin d'un nouveau plan stratégique à partir d'une analyse à nouveau qui a été faite en commun et pour expliquer les différents grands changements tant au niveau de la Croix-Rouge qu'au niveau mondial qui impactent leurs actions et leurs missions. Et vous voyez que les grands titres des titres génériques hein, que vous allez pouvoir retrouver aujourd'hui dans pas mal d'organisations et d'entreprises. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui se préoccupent du passage à la digitalisation, des questions d'engagement citoyen, de leurs problèmes de ressources et des vulnérabilités qu'ils peuvent avoir au niveau de leurs produits, services ou contexte général, environnement, concurrence, comme on en a parlé la semaine dernière. D'accord ? Vous voyez aussi, si vous avez pris la peine de lire un petit peu, que c'est écrit dans un langage qui est directement compréhensible, on va dire, par le commun des mortels. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'avoir fait deux doctorats pour comprendre où ils veulent aller. Et ça, c'est important parce que c'est votre job, ou ce sera votre job. La personne qui a finalisé toutes ces formulations, avant les validations, c'est la responsable de domaine de la grande boucle. C'est parti pour vous. Ensuite, voilà, on arrive à la définition de vision, mission, valeur. Vous voyez en tout cas que dans l'essence, les formulations sont relativement courtes. C'est un petit peu ce que je vous avais dit quand on avait vu la théorie. Cette problématique est le premier exemple. Vous voyez aussi, en termes de vision, on est clairement orienté sur une vision qui est très ambitieuse. Hein. C'est bien dans le sens de ce que je vous avais exposé. D'accord ? Après, ils détaillent un peu comment ils envisagent les choses, mais ça reste de nouveau quelque chose qui est ambitieux et qui est directement accessible. Pas besoin de faire 5 pages à 4 comme le font certaines organisations. Hop. Je vais bien passer à la page suivante. Voilà. Là, après, vous voyez apparaître leurs 4 valeurs, et on est bien dans des valeurs qui s'attachent plus à des valeurs morales, d'accord, avec leur définition. Ce ne sont pas des valeurs qui ont été forcément réinventées, il y en a qui étaient déjà présentes, mais on a rafraîchi, on a remis les choses au bout du jour, en fonction de tout ce qui avait été discuté avec l'ensemble des acteurs du terrain, comme on l'a vu dans la démarche que j'avais mise en place. Okay. Je ne peux pas encore vous dire si je vous mettrai ce document à disposition. Je peux vous le montrer, mais pour vous le distribuer, j'ai encore besoin d'autorisation. Si je peux le faire, je le ferai et je vous tiendrai au courant. Et puis, à partir de là, vous voyez que la Croix-Rouge décide, puisqu'ils ont redéfini leur identité, reprécisé ce qu'était leur vision, leur mission. Pour 2020, voilà, on a décidé 9 priorités stratégiques. D'accord ? Il s'agit bien, attention, des priorités pour l'ensemble de la Croix-Rouge. Ce ne sont pas des priorités de communication. Tout à l'heure, quand on verra les exemples de stratégie de communication, on sera un étage plus bas. D'accord ? Mais ceci, en admettant que vous travaillez en commun interne pour la Croix-Rouge, c'est essentiel pour vous parce qu'il faut que votre plan de commun interne vienne à minima en appui de ces différentes priorités. Ça va ? Pas vous présenter toutes les priorités, ça c'est de moins intérêt. Par contre, le petit schéma que vous voyez ici, en résumé comme une petite maison, c'est un schéma que vous allez retrouver régulièrement dans les entreprises quand on parle de l'identité et de la redéfinition des visions, missions, valeurs. Je ne sais pas vous dire pourquoi, je ne sais plus qui l'a inventé, mais quand vous voyez un schéma de ce type, vous pouvez vous dire, ok, je suis face au document qui fait la synthèse de l'identité de l'organisation. C'est clair pour vous? Bien. On va voir un autre exemple, cette fois-ci à l'opposé. Ici, on est directement sur Internet et c'est vision, mission, valeur de Coca-Cola. Alors, je vous avais expliqué la séance précédente, quand on avait vu cette théorie, que très souvent dans les entreprises, on se mélange un petit peu dans les titres entre vision et mission. Que la vision, normalement, vient d'abord et la mission ensuite. Et ici, vous en avez un exemple. Mais si on inverse simplement les titres, c'est bon. Et les formulations sont correctes. Vous voyez que ce qu'ils mettent au niveau de la mission, rafraîchir les gens, insulter l'optimisme du bonheur, créer de la valeur et changer les choses, à nouveau, on est dans une forme de vision qui est très ambitieuse. Et puis, dans ce que eux considèrent comme la vision, on est simplement le titre, mais vous voyez des choses qui sont déjà nettement plus concrètes et qui sont les grands éléments stratégiques sur lesquels ils veulent travailler. Ça va? Donc, s'il y en a qui sont intéressés ou passionnés par ça, vous pouvez aller voir sur Internet les exemples d'autres entreprises. Soyez critiques. Parce que très souvent, vous allez avoir une perception de « c'est pas très clair », mais oui, très souvent, c'est pas clair. Parce que soit l'exercice n'a pas été fait correctement, soit il n'a pas été mené à son terme. Mais c'est important. Les entreprises qui gagnent et qui auront une marque forte sont celles qui ont fait cet exercice jusqu'au bout. Et qui ensuite le font vivre. D'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur de leur entreprise. Avez-vous des questions sur cet aspect? Non? Alors on peut passer à la suite. Ça fait des exemples que vous avez promis. La suite, c'est ceci. Donc, vous vous rappelez, on a vu la boussole de l'entreprise et toute une série de questions à se poser avant de construire une stratégie de communication. Mais ce que je vous présente maintenant, c'est un modèle de grille de construction de cette stratégie, qui commence effectivement par rassembler toutes les informations dont on a parlé. Okay? Donc c'est une sorte de document de synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous aurez cette grille vierge dans le syllabus. La première question qu'on va se poser, c'est effectivement quel est le nom de la société. Ça paraît peut-être bateau, mais c'est important. Ne fût-ce que pour savoir s'il y a un SA derrière ou pas. Quel est le statut juridique qui peut aussi avoir un impact sur votre communication interne, je vous l'ai déjà expliqué, et quel est l'objet social à la base. Ensuite, quel est l'organigramme? Et surtout, quelle est la position de la communication et de la communication interne dans cet organigramme? D'accord? On a déjà vu ensemble, j'ai vu ça avec vous, hein, les différents cas de figure, ou pas? Oui. Donc, c'est important de remettre ça dans votre document pour que vous sachiez exactement soit où vous êtes positionné si vous êtes interne, soit comment ça fonctionne si vous êtes externe. Parce que c'est là où vous allez détecter les différents niveaux de pouvoir. Ensuite, ben vous allez avoir le mission statement. Donc c'est ici que vous allez reprendre vision, mission, valeur. Je ne m'attarde plus là-dessus. On l'a assez vu. Ensuite, si vous rappelez la boussole, ben, l'identification des éléments qui ont trait à l'histoire de l'entreprise. Quels sont les grands moments? Qu'est-ce qu'on a comme repère historique? Qu'est-ce qu'on a relevé comme défi? Qui sont nos concurrents? En quoi sont-ils nos concurrents? Et quelles sont nos forces et nos faiblesses vis-à-vis de ces concurrents? Après ça, vous allez relever quelle est la baseline de l'organisation s'il y en a une. N'oubliez pas que la baseline, c'est normalement la synthèse de la vision. Et puis, si vous en disposez, et normalement ça doit exister, quelle est l'image externe voulue de l'entreprise ? Après, si vous avez des études qui vous montrent quelle est l'image perçue, vous le prenez aussi. Est-ce que vous connaissez tous la différence entre image voulue, image perçue? Oui? Ok, on ne reviendra là-dessus. De nouveau, pour vous, c'est important en commun interne. Parce que vous pouvez avoir une image perçue qui est très négative par rapport à ce qui est émis et même par rapport à ce qui est vécu dans l'entreprise. Ça peut arriver dans le cas d'un bad buzz, dans le cas d'une crise, ou dans le cas où votre société est dans la tourmente pour une série de raisons qui vous échappent. Exemple, c'est tout ce qui est entreprises qui travaillent au niveau du nucléaire pour l'instant, ou des entreprises qui sont avec des tarifications très élevées et en position de quasi-monopole. Mais, la différence entre l'image perçue, voulue et ce qui se vit à l'intérieur peut être très grande. Ça peut être le cas aussi, notamment dans des secteurs de transport comme la SNCB, etc. D'accord ? Donc, cette différence, pour vous, c'est important parce que ça peut vous mener à mettre en place des actions de communication interne pour aider le personnel peut-être à vivre une image perçue à l'extérieur qui est très négative par rapport à la réalité de terrain. Et enfin, relever quels sont les grands canaux informels de communication interne existant dans l'entreprise. De nouveau, parce qu'il se passe plein de choses là-bas. Est-ce que les gens font souvent dans les coins cafés, dans les cafétérias, ou est-ce qu'ils ont même des activités en dehors de l'entreprise, mais où il y a de la communication qui se passe sur le boulot. Culture d'entreprise, aller chercher quelles sont les valeurs qui sont vécues, celles qui sont annoncées, voir s'il y a un écart. Quels sont les comportements et valeurs partagées? Et ça, c'est souvent aussi beaucoup d'observations. Hein. Qui parmi vous a déjà fait des stages en entreprise? Ont déjà fait des stages en entreprise, pardon? Oui? Quand vous y êtes allé le premier jour, hein, j'imagine que vous avez eu un entretien avant pour mettre d'accord. Comment vous avez décidé de votre tenue vestimentaire? Comment vous avez décidé de votre tenue vestimentaire pour votre premier jour de stage ou votre premier jour d'emploi s'il y en a qui ont déjà travaillé? Noir, oui. Mais bon, ça peut dépendre où aussi, hein? Tout en noir dans un hôpital? même à la Croix-Rouge, bon, chez un croque-mort peut-être, oui. Personnellement, en fonction de la taille de l'organisation. En fonction de la taille de l'organisation. Quoi d'autre? Et du type, enfin, une ASBL par exemple, ça peut jouer. En fonction de la taille, du type, du type de travail. Donc, vous l'avez fait en fonction de vos observations le jour où vous avez pris contact avec cette entreprise, soit pour un boulot, soit pour un stage. Autrement dit, vous avez déjà observé une partie des comportements et de la culture. Vous pouvez le connaître et l'appréhender relativement rapidement. D'accord ? Donc, utilisez vos facultés d'observation pour ça, pour voir quels sont les comportements. Est-ce que c'est une entreprise, comme vous l'aviez entendu dans le reportage, où quand on devient sous-directeur, on a un bureau avec une fenêtre. Quand on devient directeur, on a un bureau avec deux fenêtres. Quand on devient grand directeur, on a un bureau à trois fenêtres. Vous voyez, il y a encore des entreprises où c'est comme ça. Ça donne beaucoup de boulot aux déménageurs, parce que chaque fois qu'il y a des promotions, on change les emplacements des bureaux dans les étages et on déménage les équipes. Quand vous avez ça, vous allez ensuite faire l'inventaire des outils existants. D'accord ? Alors, ces outils, on va dans les séances suivantes les parcourir en détail avec des exemples. D'accord ? Mais au point de départ, pour votre stratégie, allez déjà voir ce qui existe. Et soyez précis. Est-ce qu'il y a un journal interne? Oui, non. S'il y en a un, quelle est sa fréquence? À qui est-il distribué? Parce qu'il n'était pas distribué à tout le monde. Est-ce qu'il est encore en version papier ou est-ce qu'il est en électronique? Est-ce qu'il est envoyé sur le lieu de travail? Est-ce qu'il est envoyé à domicile? Quel est son volume moyen? Donc, posez-vous déjà une série de questions pratiques pour voir de quel outil il s'agit. Même chose, si un journal externe dans l'entreprise, ça peut être intéressant pour vous. Est-ce qu'il y a des newsletters? Qu'est-ce qu'il y a comme type de réunion avec les différentes fréquences, etc., etc. Est-ce qu'on utilise, aussi bien en interne qu'en externe, des affiches, des flyers? On va souvent des communiqués de presse. Vous allez me dire que les communiqués de presse, c'est de la communication externe. Oui, en fait, quand vous faites un communiqué de presse, c'est quand même bien que le personnel soit informé. Donc, au minimum, il l'est en même temps, si pas un peu avant, agrémenté de quelques commentaires qui expliquent pourquoi on fait un communiqué de presse particulier. Même chose, conférences de presse, réseaux sociaux internes, est-ce qu'il existe quelque chose ou pas? On est vraiment à un niveau d'inventaire. La grille n'est pas exhaustive, vous pouvez toujours en rajouter. Ensuite, enquête. Est-ce qu'il y a des enquêtes de satisfaction qui ont déjà été faites dans l'entreprise? Enquête de satisfaction ou enquête de communication? C'est un point important parce que souvent on l'oublie, n'allez pas réinventer la roue. Si vous avez des enquêtes qui ont été faites et qui donnent des indicateurs intéressants et importants, vous n'allez pas ne pas en tenir compte et recommencer de zéro. Donc partez de ce qui existe, puisque une enquête par définition est l'expression du terrain. Ensuite, vous allez définir votre public avec l'ensemble des caractéristiques qu'on a vues la semaine dernière. Vous vous rappelez, donc c'est pas revenir dans ce détail-là, on est juste à parcourir la grille de synthèse. Et quand vous avez tout ça, et que vous l'avez bien digéré, donc vous faites l'analyse de l'ensemble de vos informations, vous allez enfin pouvoir écrire vos objectifs stratégiques. Je vous rappelle, c'est important, j'en ai déjà touché un mot la semaine dernière, qu'un objectif stratégique, c'est un objectif à long terme, 3 à 5 ans minimum. Vous en avez vu l'exemple avec la Croix-Rouge il y a quelques minutes, ils ont des priorités stratégiques 2020. Ils auraient même pu mettre 2021 ou 2022 avec l'ambition de leurs objectifs. Ok ? Ça signifie qu'en termes de communication interne, vous allez rarement travailler plus de, on va dire, 3 à 4 objectifs stratégiques en même temps. Parce que c'est énorme comme boulot. Et que vous n'avez peut-être pas beaucoup de ressources pour pouvoir le travailler. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand vous aurez formulé ces objectifs stratégiques, pour chacun des objectifs, vous allez avoir une grille d'action complète qui, elle, va se présenter comme ceci. Vous aurez au-dessus l'objectif stratégique, et puis pour chaque objectif stratégique, pour l'année 1, quel type d'action, avec quel type d'objectif spécifique, quelle cible, quel message, quel canal, quelle fréquence, quel KPI, qu'est-ce que c'est ? Oui, et ça signifie ? Le critère, l'élément de mesure. D'accord ? Se fixer des objectifs sans vérifier en même temps si on a un point de mesure qui est intéressant, ça ne sert pas à grand-chose. Ok ? Alors, on va voir un exemple un peu plus complet de ça maintenant. Juste avant cela, vous verrez dans Syllabus, mais ici, vous avez quelques exemples d'objectifs stratégiques. D'accord ? Donc, ce sont des objectifs qu'on travaille sur du long terme et qu'on doit décomposer en une série d'actions qui, elles, vont permettre d'atteindre cet objectif. Bien, voyons un exemple complet. Alors, ici vous avez un exemple fictif d'une organisation qui se dirait, tiens, moi comme objectif stratégique numéro 1 pour 2020, c'est véhiculer notre identité, la culture commune et renforcer le sentiment d'appartenance. Ça pourrait être tout à fait choisi par l'équipe de com interne de la Croix-Rouge avec la redéfinition de leur plan 2020. D'accord ? Donc ça, c'est le premier objectif stratégique de com interne qu'on se fixe. Et tout ce que vous voyez dans le tableau, c'est le plan d'action de l'année 1. Donc, si votre objectif stratégique est à 2020, ça veut dire que pour l'année 2, vous allez aussi avoir une grille comme ça. Pour l'année 3, vous allez en avoir une troisième aussi. Qui, elle, sera amendée, corrigée, en fonction des mesures que vous allez faire des actions de la première année. Et vous avez ça, si vous avez 3 ou 4 objectifs stratégiques, mais vous avez ça pour chaque objectif. Okay. Donc, imaginez, au final, vous allez peut-être avoir 9 à 10 pages comme ceci pour l'ensemble de votre plan stratégique sur 3 ans qui détermine toutes les actions que vous allez mettre en place. C'est important à plus d'un titre. Avant qu'on rentre dans le détail, d'abord, c'est important parce que vous avez une vraie stratégie avec des objectifs à atteindre. Ensuite, c'est important pour vous, votre direction et vos collègues, parce que ça montre, ça, comment dire, c'est un élément concret de ce qu'est votre mission de communicateur interne. Et pas simplement que vos collègues des autres départements s'imaginent, ah oui, on a un projet, Il faut en parler au personnel. Donc, le vendredi à 16h, on le donne au responsable de com interne. On dit, tu nous parles de ça au personnel pour mardi, merci. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez des vraies missions, indépendamment du support des projets qui sont en cours. Et ça, c'est votre cadre de base. Et ça permet aussi d'asseoir la légitimité de la communication interne et le professionnalisme qu'il doit y avoir derrière. Ça va ? Donc ça, c'est pour l'importance d'avoir ce type de document. Après, quand vous allez construire, bon, pour voir en détail ce premier exemple, donc objectif, renforcer le sentiment d'appartenance culture commune, mais de façon assez logique, on va se dire pour l'année 1 que si l'objectif stratégique, c'est celui-là, il faut peut-être commencer par rappeler quelle est notre identité, ou réaffirmer quelle est notre identité. Et toujours dans la logique de ce qu'on a vu jusqu'ici, si vous voulez que ça fonctionne, il faut un soutien du management, il faut leur expliquer pourquoi on le fait. Donc la première action qu'on met en place, c'est d'expliquer au management, de leur rappeler quelle est l'identité et l'importance qu'eux travaillent cette identité et ces valeurs avec leurs équipes. Et que ce ne soit pas simplement quelques belles affiches dans les coins cafés de l'entreprise. Et bon, vous voyez que ça, c'est l'action numéro 1. Et comme c'est réexpliqué une première fois au niveau du management, ben la fréquence, c'est une fois. Ça suffit. Après, vous voyez que vous avez une action identique, mais qui a une cible et un objectif un peu différent, c'est qu'il faut aussi réexpliquer ça au personnel, mais de façon peut-être un peu différente. Donc, on va le refaire en donnant l'exemple. Ici, c'est une petite brochure qu'on va envoyer tout de suite après avoir informé le management pour réexpliquer l'identité, les valeurs, à la fois de façon pédagogique et à l'aide d'exemples. Donc, dans votre plan, vous indiquez déjà aussi une partie du ton et de comment vous allez le faire. Ensuite, ben, c'est bien d'informer le personnel. C'est pas pour ça que vos valeurs vont vivre, que votre culture d'entreprise va fonctionner. Donc, il faut que ça devienne visible. Dans l'exemple que vous avez là projeté, ben, le premier élément de visibilité, c'est une campagne d'affichage. Dans les entreprises, ça reste encore un moyen simple et peu coûteux d'information, surtout dans tout le secteur industriel ou tout le secteur où les membres du personnel ne sont pas tous forcément équipés d'ordinateurs. D'accord ? Donc, important d'encore pouvoir communiquer avec eux comme ça. Et vous voyez là qu'on a une fréquence qui est de deux fois. Pourquoi va-t-on faire deux campagnes d'affichage ? De nouveau, c'est basé simplement sur des principes humains de communication. Quand vous mettez des affiches et que vous passez devant tous les jours, au bout de 2-3 semaines, elles font partie du décor, vous ne les voyez plus. Donc si vous refaites une campagne d'affichage qui va peut-être parler des mêmes valeurs mais illustrée différemment, ben vous faites un rappel pour les remettre sous les yeux du personnel. Et avec ça, on ne va pas encore très loin hein, pour travailler sur des valeurs ou de la culture d'entreprise. Donc on prévoit comme action supplémentaire de dire si on veut que ça fonctionne, qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance, il faut aussi que le personnel s'exprime, il faut aussi qu'il puisse témoigner. Et vous voyez là qu'on prévoit des témoignages de membres du personnel et on s'est dit, bah, comme on a un magazine d'entreprise, on décide que dans chaque numéro du magazine, en plus il est mensuel, ça tombe bien, on va avoir un article témoignage d'un membre du personnel qui va parler des valeurs que lui a vécues dans le cadre de son boulot avec l'un ou l'autre collègue ou même avec un client. Et là, vous commencez à avoir une fréquence de témoignage qui est mensuelle. Vous voyez qu'avec exactement les mêmes objectifs, cibles et messages, on se dit aussi, ben, tiens, comme dans notre entreprise, on peut diffuser de la vidéo, ben, on va aussi faire des témoignages sous forme de capsules vidéo. Pourquoi ? Pourquoi on va faire de la vidéo en plus de l'écrit ? d'après vous? Quelle va être la force de la vidéo par rapport à l'écrit? Plus interactif, c'est lié à l'émotion, donc il y a plus de chances de s'en rappeler. Il y a aussi plus de chances de s'en rappeler. C'est lié à l'émotion, donc c'est lié à l'humain. On va plus s'en rappeler parce que inconsciemment, même si vous êtes dans des capsules vidéo qui sont sur un intranet, ben c'est de la vidéo, donc c'est un peu comme de la télévision. Donc si c'est à la télé, c'est que c'est vrai. Je dis inconsciemment. Hein. Mais il n'y a rien à faire, ça joue. Quand vous voyez quelque chose en termes d'information en télé, on va le mettre moins facilement en doute qu'un écrit, en termes de vérification d'information. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut manipuler les membres du personnel avec la vidéo, mais simplement que ça a cette force-là. Et sachez, on le verra plus en détail quand on verra ces outils, qu'aujourd'hui, en communication interne, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis un an à peu près, un an ou deux, la vidéo supplante les magazines internes dans le ranking des médias utilisés. C'est la vidéo qui est passée en premier depuis un ou deux ans. Voilà, alors vous voyez ici qu'en jouant sur les deux, on s'est dit en jouant à la fois sur le magazine écrit et sur la vidéo, tous les deux à une fréquence d'un mois, mais avec un décalage, vous créez un programme où tous les 15 jours, dans des médias différents, vous allez avoir des témoignages des membres du personnel sur la culture de l'entreprise, les valeurs et la façon dont ils vivent ça. Et avec ça, vous commencez à faire bouger les choses. Dans ce plan-là, ben vous voyez qu'on se dit, ben tiens, en fin d'année, on fera quand même, on n'est pas trop nombreux à un rassemblement du personnel pour faire une petite fête, pour que tout le monde passe un bon moment ensemble et aussi pouvoir prendre la température et voir comment ça se passe. Et après, on continue pour l'année 2, l'année 3, en fonction des évaluations qui auraient été faites. Ici, vous n'avez pas la colonne de KPI. Il faudra que je la rajoute un jour. Dans les indicateurs de mesure, sachez que vous en avez toujours de deux types. Vous avez le quantitatif et le qualitatif. Et dans le quantitatif, il y a déjà, est-ce qu'on l'a fait ou pas? On s'était dit qu'on allait faire des témoignages dans le magazine écrit tous les mois. Parce qu'on a démarré plus tard, ou bien parce qu'on n'a pas eu assez de témoignages, parce que peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de membres du personnel qui acceptaient de témoigner. Auquel cas, ça signifie qu'il y a peut-être un problème de liberté de parole, de prise de parole, de confiance vis-à-vis de la communication interne et de la transparence de l'info, et que donc il y a des choses à travailler là-dessus aussi. D'accord ? Donc, ces indicateurs-là, à la base, sont déjà importants. Après, quand vous faites ce type de plan de com, vous serez obligé, à un moment ou l'autre, de passer par une enquête auprès du personnel pour avoir des mesures beaucoup plus précises de comment les choses ont été perçues. Alors, de nouveau, vous avez aujourd'hui une facilité avec des indicateurs techniques. Si par exemple vous avez des informations sur le plan qui paraissent sur l'internet, et pour peu qu'ils soient bien construits, vous allez avoir le nombre de clics, le temps passé par page, etc. Vous avez une première série d'indicateurs de quelles informations sont réellement consultées et prises en compte. Mais ça n'est jamais quantitatif. Pour le qualitatif, vous allez devoir passer à un moment donné par une enquête beaucoup plus précise. On aura l'occasion d'en voir aussi. Avez-vous des questions sur cet exemple? J'ai J'imagine que c'est une forme de grille que vous aviez déjà vue, mais peut-être en com externe. Oui, non? Oui. Une petite pause? Oui. Oui? Oui, ce sera sur Théo. En termes d'organisation, est une des organisations du pays qui développe les plans les plus détaillés et même les mieux suivis. Donc, comme je vois que ce n'est pas très lisible, j'essaierai de faire des scans de leurs documents ou de trouver des versions électroniques pour la semaine prochaine. Maintenant, sachez que au niveau de la police fédérale, ils sont très transparents. Donc, il y a toute une série de documents sur leurs différents plans de communication ou actions de communication, tant interne qu'à l'externe, que vous allez pouvoir trouver sur le site internet de la police fédérale. Et je pense qu'il faut aller sur un site qui s'appelle polsupport.be. www.polsupport.be et vous allez voir toutes les informations à ce sujet. Bien, si vous n'avez plus de questions pour ça, avant qu'on rentre dans le concret, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va commencer à voir vraiment les différents outils de communication interne, ce que vous pouvez en faire, les différents avantages et inconvénients. Reste quelques petites notions qui viennent s'ajouter au plan de commun terme. La première étant, et c'est déjà plus concret, liée aux équipes de communication interne que vous allez mettre en place dans les entreprises. Vous vous doutez bien que quand on va parler de communication interne dans une organisation, avec le coût salarial qu'il y a derrière, ça ne va pas être le département où vous allez être les plus nombreux. Quoique, dans certaines grandes entreprises, ils ont compris qu'il fallait du monde. Mais le plus souvent, on va voir la communication comme étant un centre de coût plutôt qu'un centre de profit. Est-ce que vous pouvez dire à votre patron, dans un tableau de bord, tiens, la communication interne, cette année, a rapporté autant, au même titre que la vente de vos barrettes mémoire ou du parfum, etc. Non, c'est pas possible. Vous ne savez pas chiffrer, en termes de ROI, ROI c'est clair pour tout le monde, return on investment, retour sur investissement, c'est ce qu'on va demander aujourd'hui dans toutes les entreprises en termes de tableau de bord. Pour la com interne, c'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas chiffrer l'apport. Et c'est pour ça que vos plans sont importants aussi, parce qu'en communication interne, on va parler non pas de ROI, mais de ROO, retour sur objectif. Et de vérifier qu'on a effectivement atteint ces objectifs. Parce que là, si ça fonctionne, on crée effectivement un cadre et un environnement où on espère que le personnel sera plus performant et permettra d'atteindre les objectifs commerciaux ou de services qui sont fixés. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose, c'est on va parler de retour sur objectif plutôt que de retour sur investissement. Deuxième chose, quand vous allez avoir en face de vous un patron qui va vous dire Oui, mais la communication interne coûte trop cher. Si par exemple vous allez le voir en demandant un budget de 15 ou 20 000 euros pour revoir l'intranet et qu'il vous dit non, c'est trop cher, quelle réponse vous pouvez lui faire? Exactement. Mais il faut lui démontrer. D'accord ? Donc la réponse, lui dire, c'est de lui dire, l'important, ce n'est pas aujourd'hui ce que coûte la communication interne, mais ce que ça va coûter de mal la faire ou de ne pas la faire. Et ça, ça peut coûter très cher. Alors, on va prendre un petit exemple concret. S'il y en a un parmi vous qui peut ouvrir une calculette, comme ça, je ne fais pas d'erreur de calcul mental. Imaginez que vous êtes dans une entreprise de 1000 personnes. Tiens, on est à la Croix-Rouge avec la catégorie membre du personnel, mais pas au niveau des volontaires. Et ils ont un intranet. Et comme on l'a dit, l'intranet sert à aller chercher au quotidien l'information dont chaque membre du personnel a besoin pour faire son boulot. Autrement dit, sur un intranet, on va facilement 5 à 10 fois par jour. Quelle devrait être la bonne règle pour trouver une information sur un intranet? D'après vous, d'après ce que vous connaissez du web, vous devez trouver cette information en 3 clics. Autrement dit, un maximum de 6 à 8 secondes. Le temps du clic et de vérifier que c'est la bonne info ou vous devez encore aller un cran plus loin. Imaginez qu'au lieu des 3 clics, vous deviez en faire 5 ou 6. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, c'est très fréquent dans les internets mal organisés. Ça vous fait facilement 6 à 10 secondes de plus, puisque vous continuez à creuser pour chercher. Alors, pour faciliter le calcul, on va prendre 10 secondes. Vous faites 10 secondes fois 6 recherches par jour, ça fait 1 minute. Fois 1000 personnes, vu qu'on est 1000 personnes dans l'entreprise, ça vous fait 1000 minutes. Quelqu'un me fait une petite division pour me ramener ça en heures, s'il vous plaît. 1000 divisé par 60. 16 heures. 16 heures, ça correspond à quoi en termes de masse salariale? 16 heures par jour, hein, donc tous les jours. Chaque jour de travail, ce phénomène se reproduit. 16 heures, c'est 2 fois 8. 2 employés. C'est 2 emplois temps plein. 2 équivalents full-time de temps perdu, 2 salaires payés pour rien, parce qu'un intranet n'est pas suffisamment bien organisé pour qu'on trouve rapidement l'information dont on a besoin. Après, vous ferez le calcul avec un salaire moyen que vous prenez sur base annuelle et vous verrez que très vite, vous allez atteindre un montant supérieur au budget que vous aviez demandé pour réorganiser l'intranet, par exemple. D'accord ? Donc, ces petites méthodes de calcul qu'on peut utiliser aussi, qu'on appelle les méthodes de coût contact, c'est ça qui va vous permettre d'expliquer le plus souvent l'intérêt de mettre en place des processus de communication interne qui soient performants. Que c'est un investissement qui va par la suite faire gagner de l'argent à l'entreprise. Non pas qu'on va avoir du cash qui rentre ou dépenser moins, mais on va simplement perdre moins de temps d'opération sur l'ensemble des membres du personnel. Alors ici, on a fait l'exemple en partant d'une base de quelques secondes par rapport à un intranet. Imaginez maintenant une entreprise où vous avez une direction qui ne veut pas de communication interne efficace et transparente. Et donc le personnel ne se sent pas bien informé, n'est pas en confiance, on véhicule de la rumeur. La rumeur, elle se véhicule comment? Elle se véhicule où? dans les coins cafés, on s'arrête un peu plus souvent que d'habitude dans les bureaux, dans les cafétérias. Là, quand vous allez faire l'exercice de multiplication, c'est plus quelques secondes, hein, vous allez tout de suite arriver, sans que ce soit excessif, à 10, 15, 20 minutes par personne perdues chaque jour parce qu'il n'y a pas une bonne communication interne. Et de nouveau, sur une base 1000, si vous faites la multiplication, là vous allez exploser en termes d'équivalents temps plein qui sont perdus simplement parce qu'on ne fait pas de la communication. Ça va? Donc, retenez ce petit truc parce que c'est finalement le levier le plus fort que vous avez pour ramener à quelque chose de chiffré et d'objectivable pour un patron qui lui est obsédé par les tableaux de bord, l'intérêt de faire de la commentaire. Alors à côté de ça, quand vous allez devoir opérer cette communication interne et donc construire une équipe, dans une équipe de com interne dans une entreprise, vous avez ce que j'appelle deux grandes catégories de fonctions. Vous avez les fonctions de communicateur et vous avez ce que j'appelle les fonctions de journaliste interne. Communicateurs, ce sont les personnes qui vont s'occuper de la stratégie, donc de la construction de ce qu'on a vu ici, ça va être le plus souvent le responsable. Personne qui va aussi défendre cette stratégie, faire en sorte qu'elle soit mise en place et défendre son équipe. Et puis à côté, vous avez les fonctions de journaliste interne. Pourquoi journaliste interne? Parce que si vous voulez une information honnête et transparente, vous avez besoin de personnes qui travaillent avec les mêmes techniques et avec la même déontologie journalistique que des journalistes classiques. C'est donc aller sur le terrain, c'est poser des questions, c'est faire des interviews, c'est écrire, que ce soit des articles pour de l'intranet ou du magazine papier électronique, ou pour faire un montage de capsules vidéo, ou pour faire de la modération sur des réseaux sociaux internes, c'est de l'écriture. Et pour avoir une information honnête et transparente, elle doit être mise en perspective aussi, comme le ferait un bon journaliste, c'est-à-dire en allant chercher les différents points de vue pour faire la synthèse de ce qui se vit réellement dans l'entreprise par rapport à un sujet donné. Exemple concret, imaginez, comme ça m'est arrivé il y a quelques années, on vous demande de faire un dossier d'information interne sur le télétravail. Qui allez-vous aller voir dans une entreprise pour faire un dossier d'information sur le télétravail? Si vous voulez offrir un dossier avec un panel complet, à votre avis? Déjà, pour commencer, peut-être ceux qui ont mis en place le système. Ceux qui ont mis en place le système, donc, forte chance que ça soit au niveau de la direction des ressources humaines. Donc, soit le DRH, soit le responsable du projet. Si un responsable du projet a été identifié. Cette personne, elle va vous expliquer pourquoi, elle va vous expliquer les conditions dans lesquelles le personnel de votre entreprise peut faire ou ne pas faire du télétravail. Qui vous allez aller voir d'autre? Quelqu'un qui le pratique, comme dans la vidéo qu'on a vue. Quelqu'un qui le pratique déjà, donc aller chercher des personnes qui ont déjà l'expérience et qui vont pouvoir dire comment ça se passe, quels sont les avantages, voire éventuellement les inconvénients. Il n'y a pas forcément que des avantages. Qu'allez-vous aller voir d'autres? Syndicats. Les syndicats, parce que ça aura forcément été négocié, parce qu'ils auront aussi un point de vue. Ça vous fait déjà trois points de vue différents, plus l'idée même du projet. Et peut-être que c'est aussi intéressant d'aller voir dans une autre entreprise qui le pratique depuis plus longtemps que vous, comment ça se passe? Quelle expérience ils en ont? Parce que ça peut être de l'échange de bonnes pratiques. Et donc, vous voyez là que sur un sujet, un dossier, je peux vous dire que les sujets liés au RH en général, ça intéresse beaucoup les membres du personnel dans une organisation, mais vous avez vraiment un traitement où vous devez aller chercher de l'information un peu partout et puis faire une synthèse et une rédaction qui se rapproche d'un travail journalistique. Et après, si vous allez chercher des illustrations, vous faites des graphiques, des photos, la vidéo, du montage, etc., vous êtes dans les mêmes problématiques d'édition journalistique à l'intérieur de votre entreprise. Alors, il y a évidemment une petite nuance à ça. Vous n'allez pas agir dans l'entreprise, en plus, si vous êtes employé, comme un journaliste extérieur et commencer à faire des enquêtes style Publifilm, d'accord ? Là, vous risquez d'avoir un problème avec votre contrat d'emploi. Donc, il y a une certaine loyauté à avoir avec l'entreprise aussi. Autrement dit, on ne crache pas dans la soupe. Mais il y a un équilibre à trouver dans cette transparence de l'information qu'on veut donner au personnel. Et ça, c'est un élément capital que le directeur ou le responsable de com interne doit inscrire dans son plan stratégique, c'est son mandat. Je n'ai pas encore parlé du mandat, je crois. Non. Le mandat, c'est la façon dont vous souhaitez que la communication interne soit perçue et exercée dans l'entreprise. Autrement dit, en tête de votre plan stratégique, avant de présenter les objectifs et le développement, vous allez avoir un texte, pas trop long, qui va expliquer que les membres du personnel ont droit à une information honnête et transparente et que ça fait partie de la mission de la communication interne de donner un maximum d'informations possibles aux membres du personnel sur ce qui se vit dans l'entreprise, dans le respect des normes légales et du règlement de travail. Et c'est important d'indiquer ça dans votre mandat. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que vous allez, au fil du temps, diffuser de l'information sur certains projets. Et puis, comme dans toute société, vous avez des projets qui sont des succès et d'autres qui se cassent la figure. Il faut aussi pouvoir parler de ceux qui se cassent la figure. Il faut aussi pouvoir dire aux membres du personnel pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi on a pris du retard. Mais évidemment, quand vous êtes avec ce type d'information-là, les personnes qui étaient en charge du projet n'ont pas trop envie qu'on en parle. Parce que c'est eux qui sont mis en avant, c'est leur carrière, etc. Or, il faut pouvoir en parler. Si c'est mis dans votre mandat, mais ces personnes ne pourront pas s'opposer à ce que vous en parliez. Et il ne s'agit pas de clouer des gens au pilori comme on le fait dans la presse à l'extérieur aujourd'hui, hein, mais simplement de dire les choses. Si une entreprise avait pris une position stratégique pour développer un nouveau produit, et vous voyez quotidiennement dans la presse des entreprises qui ont développé des produits qui n'ont pas marché, ben, il faut pouvoir expliquer simplement à l'interne pourquoi ça n'a pas fonctionné. On a essayé, ça n'a pas fonctionné, voilà. On donne les raisons et puis on passe à autre chose. Le cacher, ce n'est pas intéressant à l'intérieur. Sinon, c'est de nouveau la rumeur, on va essayer d'imaginer pourquoi ça ne fonctionnait pas. Dire d'autres choses, ce n'est pas intéressant non plus. Je pense que vous avez déjà raconté l'histoire de la petite calculette des banques. Oui, non, non, je n'ai pas raconté ça. Bon, j'imagine que, alors vous, vous êtes sans doute déjà au niveau smartphone, mais qu'il y en a quand même encore quelques-uns parmi vous qui font leurs opérations bancaires via leur ordinateur, et que vous avez le petit boîtier de votre banque qui vous permet d'introduire les codes de sécurité. Ok, vous voyez tous. Les banques, ben certaines banques en Belgique s'étaient groupées pour avoir le même boîtier. Donc, à une époque pas très lointaine, il y avait deux boîtiers différents. Vous aviez Fortis, KBC, Belfius qui avait le même et ING qui en avait un différent. Et jusqu'il y a un an et demi, je pense, parce qu'ils ont changé le modèle de boîtier. Sur les boîtiers des banques qui s'étaient regroupées, vous aviez une touche M1 et une touche M2. Je ne sais pas si ça dit encore quelque chose à certains d'entre vous. Et quand vous deviez faire, pour vous connecter, vous passez par la touche M1. Pour faire un virement, vous deviez refaire un processus en passant par la touche M2. Or, ce n'était pas comme ça au début. Il y a 7-8 ans, pas si longtemps, quand on a lancé ces boîtiers, tout se faisait par la touche M1. Jusqu'au jour où tous les clients de ces banques ont reçu un courrier sympathique disant « Pour améliorer encore notre service et la sécurité des opérations, à partir de demain, pour vos virements, vous allez passer par la touche M2. » Et ça a été envoyé à tous les clients. Donc, forcément, le personnel des banques reçoit le même courrier. Hein. Ils sont clients de leur entreprise aussi, le plus souvent, parce qu'on verse leur salaire sur un compte de la banque. Et ça avait aussi été diffusé comme ça, en interne, sans rien dire de plus. Et puis, le soir même, les gars du département informatique de KBC, de BNP Paribas, de Belfius, qui, comme par hasard, rentrent ensemble du boulot et se retrouvent dans le même train pour jouer aux cartes, étaient en train de bien rigoler en disant « Ils sont malins à la direction, hein, de dire « Pour améliorer votre sécurité, on sait bien, nous, que si on a changé la procédure, c'est parce qu'on s'est fait hacker sur la première. » Mais le lendemain, c'était dans la presse. Alors à l'époque, ça ne faisait pas encore des bad buzz comme aujourd'hui, mais vous imaginez l'impact à l'intérieur sur le personnel. On nous a pris pour des cons. On a été raconté qu'on améliorait les choses, alors qu'en fait, on a eu un problème et on n'a même pas osé nous en parler en interne. Ok ? Donc, c'est important que ça fasse partie de votre mandat. Donc, deux grandes fonctions. À côté de ça, à un moment donné, soit vous allez entrer dans une équipe ou vous allez constituer une équipe ou une équipe va être reconstituée pour la communication interne. Vous avez trois grands modèles possibles. Interne, externe ou mixte. Tout se fait à l'intérieur, où on confie tout à l'extérieur à une agence ou à un consultant, ou on essaye de faire un mélange des deux. Quels peuvent être les avantages et les inconvénients des deux modèles? Si vous faites tout en interne. Manque de recul. Alors, vous pouvez avoir effectivement un certain manque de recul en désavantage. Quoi d'autre comme élément? Structure hiérarchique. Dans quel sens? Il y a toujours... Vous pouvez effectivement avoir une pression hiérarchique. Je dirais qu'en face, je poserais que si vous confiez ça à une agence, il y a la relation client-fournisseur qui peut faire en sorte que vous allez peut-être ménager un peu les choses. Donc, puis le cloisonnement aussi, dans des entreprises avec des divisions fonctionnelles, il peut y avoir un cloisonnement entre les différents départements. Oui. Mais c'est votre boulot en commun interne de passer à travers tout. Hein. Mais autres avantages ou inconvénients d'avoir une équipe totalement interne? Effectivement, avantage, elle connaît bien l'entreprise, donc elle connaît bien la structure. Elle connaît bien la structure et la culture. La structure, c'est important pour savoir où aller chercher l'information. Parce que si vous confiez ça à un externe, ben, il n'y a rien à faire. Il y a toujours bien quand même quelqu'un à l'intérieur qui va devoir un petit peu guider ou piloter l'externe. Hein. Lui ne connaît pas, en tout cas au début, suffisamment bien l'entreprise pour savoir où il doit aller pour chercher l'info et pouvoir la travailler et la diffuser. Okay. Quoi d'autre? Ben, vous avez la confidentialité qui peut jouer comme avantage d'un côté, inconvénient de l'autre. Si vraiment vous avez des informations qui sont très sensibles à un moment donné, soit parce que ça peut impacter un cours de bourse, ou parce qu'on parle de rachat, de restructuration, ben, peut-être que vous avez intérêt à préparer ça en interne avec un degré de confidentialité plus élevé et plus sûr. Quoi encore? Ben, la souplesse et la réactivité liées au coût. S'il se passe quelque chose le week-end, à l'intérieur, vous pouvez toujours appeler le responsable, rappeler vos équipes pour travailler quelque chose. Ça fait partie des missions. Vous allez me dire, une agence, on peut l'appeler aussi. Oui, sauf que là, vous allez payer le tarif week-end et le tarif d'urgence. Et que vous devez encore être sûr de pouvoir les contacter. Si c'est effectivement le cas, c'est probablement que de façon contractuelle, vous avez prévu que s'il y a une intervention du week-end, ils doivent pouvoir répondre. Et donc, ça a été inclus aussi dans leur tarif, parce qu'ils exercent une certaine permanence. D'accord ? Donc ça peut jouer aussi. Quoi d'autre ? Avantages, inconvénients ? Mais il y a le côté aussi évolution, vue de prise de recul, vue de ce qui se passe à l'extérieur. Donc un externe va arriver à un certain moment peut-être avec des idées nouvelles et plus fraîches pour mettre en place certaines choses qu'une équipe interne n'aura pas parce qu'elle est toujours dans la même entreprise avec le même type de problématique, même si vous avez beaucoup de projets ou de dossiers différents. Donc, vous voyez qu'il y a à boire et à manger dans ce côté. Est-ce qu'on va avoir une équipe totalement interne ou totalement externe? L'idéal va se situer entre les deux. Parce que vous allez compenser les avantages et inconvénients des uns et des autres. Et pour constituer ce qu'on va appeler une équipe mixte, vous avez tout intérêt à garder en interne ce que j'appelle les fonctions à valeur ajoutée. Et la fonction à valeur ajoutée, c'est vraiment le travail de l'information, de la stratégie, des plans et des modes de diffusion. Et d'externaliser ce qu'on va appeler un travail plus technique, de la mise en page, de l'impression, de la réalisation vidéo éventuellement, ou ces sortes de choses. Où là, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une expertise en interne. Et en plus, si vous le confiez à l'extérieur, bah, vous pouvez changer comme vous voulez et à chaque fois faire appel à ceux qui vous apparaissent être les plus performants par rapport aux techniques, aux technologies dont vous avez besoin. Est-ce que ceci vous paraît clair? Avez-vous des questions? Non. Bon, je ne vais pas entamer un nouveau chapitre, je vois que la chaleur... On va dire que c'est la chaleur, hein, et pas autre chose. Il nous assomme complètement. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va entrer vraiment dans des exemples concrets et les caractéristiques de chaque média moyen que vous allez pouvoir utiliser. Bonne semaine.